On part avec Pauline Beniz, eh bien, on part un peu au Caire, en Égypte, sur la place Tahrir en 2011. Vous savez, quand il y a eu vraiment cet élan révolutionnaire, là, c'est comme ça qu'on dit, cet élan de changer les choses. Et donc Pauline, journaliste, y était, photographe aussi. Mais avant, on écoute la voix du Caire avec Abdullah Miniaoué. Pas que lui, mais c'est lui aussi qu'on entend avec sa voix. Thank you. ta ta ta ta ta ta. Voilà. Merci Pauline. Pauline Benise. Ça fait un peu penser à Brownie. Ouvert. Ah ouais. Ou à Bunny. Bunny comme Bugs Bunny. Ah oui, c'est la blague qu'on faisait quand j'étais petite. Ouais. Bah merci déjà de me recevoir chez toi. Et on va faire ce micro ouvert où on va te présenter. Moi, en fait, tu es passé dans l'agenda, le Campus Info du vendredi soir. Et voilà, je trouvais que tu étais une personne comme ça, vraiment un peu intéressante, un peu. j'ai envie de te donner la parole vraiment sur un long temps, quoi, sur ton travail. Parce que tu es autrice, réalisatrice de docu, photographe à la base. Tu me dis si je me trompe, hein. Tu as habité 5 ans au Caire et tu as fait plusieurs travaux, expos, photos, web documentaires avec les jeunes de là-bas, en Égypte. Ouais. Tu as commencé comme ça, en fait. Oui, enfin, j'ai commencé en faisant des études universitaires, un peu basiquement, en fait, en faisant des études de journalisme. Mais j'aime bien l'idée que j'ai commencé avec des jeunes en Égypte, c'est sans doute plus ça, en fait. Ça m'a, tu vois, je me suis trouvée là, vraiment, à leur contact. En fait, j'étais toujours un peu rebelle, mais sans vraiment rien faire, tu vois. Genre, on m'appelait Che Bunny quand j'étais ado, mais en fait, en vrai, je faisais rien, tu vois. J'étais pas du tout une révolutionnaire. Et puis, j'ai vraiment vu des gens qui étaient prêts à se donner, à se faire mal pour la justice, la liberté, des grandes idées comme ça. Et ça, ça a été fou, quoi. Ça a été fou de vivre ça. Qu'est-ce qui fait que t'es partie ? Qu'est-ce qui fait que donc t'as fait tes études ici, en Belgique, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te casses là-bas, alors que, tu sais, là-bas, c'est des terroristes. Enfin, tu vois qu'il y a une image. Oui, le commencement du commencement, quoi. Mais moi, j'ai grandi à Gilly. Donc, c'est dans la banlieue de Charleroi et dans un environnement très, très mélangé, en fait, et avec pas mal d'arabophones. Et j'avais toujours un truc pour cette langue qui me... Et puis, après mes études de journalisme, et je sentais bien qu'on avait un peu un souci avec cette langue arabe. Et après mes études de journalisme, je me suis rendue très vite compte... je vais couper ça parce que ça va pas être très gai d'avoir des sons d'ordi. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je me spécialise, que je trouve un truc qui était à moi, que j'aille pour aller dans le fond des choses aussi, pour faire la différence, parce que je voulais faire de la photo et des photojournalistes, il y en avait plein et la concurrence était hyper rude. Et donc je me suis dit, je vais apprendre l'arabe. Et c'est comme ça que j'ai débarqué en Égypte en 2008. Pour apprendre l'arabe. Et puis là, ça a été une première révélation, avant la révélation de la révolution de 2011, des jeunes et tout. Mais arriver en Égypte, c'était des gens qui... Enfin, en fait, c'était la langue, vraiment la langue et la manière de parler des gens. C'était genre... Waouh, en fait, les gens ici, ils sont excités comme moi, quoi. Parce qu'on me disait toujours, quand j'étais gamine, ado, que j'étais agressive ou que j'étais... que j'étais violente, que je parlais mal. Et il y avait un truc dans ma manière de parler qui n'allait pas, quoi, qui ne correspondait pas. Et en arrivant en Égypte, ouais, c'était waouh, ici j'appartiens, quoi. Ici, il y a quelque chose qui va. Et je raconte toujours la petite anecdote de ma mère qui a débarqué au Caire et qui me dit mais pourquoi ces deux mecs ils s'engueulent? Et je suis là, ils s'engueulent pas du tout. En fait, il y en a un qui essaye de parquer l'autre, quoi. Tu vois, ils s'entraident, en fait. Et c'est juste dans la manière de parler, la véhémence, la passion. Comme ça, le fait de s'enflammer pour un oui, pour un non. Donc voilà. Donc le Caire, déjà l'arrivée là-bas. Après, c'était dur. Hein. Là, je fais un peu la maline, mais les premiers jours et tout, c'était quand même violent d'arriver là, dans cette ville complètement immense, de rien comprendre à ce qui m'arrivait, toute seule et tout. C'était chaud. Toute seule, là, il faut oser le faire quand même, non? Ouais. Mais je crois que c'est comme beaucoup de choses que je fais. Je me suis rendu compte de ça il y a pas très longtemps. C'est que si je savais avant de commencer ou avant de me lancer ce qui m'attendait, j'irais jamais. Tu vois, il y a cette sorte de naïveté que j'ai encore de trucs. En fait, je me rends pas compte dans quoi je me lance, et c'est ça qui est, et du coup c'est possible, et j'y vais petit à petit, quoi. Parce que sinon, c'est clair que si on m'avait raconté mes premières nuits, mes premières journées au Caire, je suis pas sûre que je serais allée, quoi. Tu vois. Pourquoi c'était quoi les premières nuits? Ça donne envie de savoir, hein, du coup. Après, je suis arrivée, j'ai quand même eu de la chance. À l'aéroport, j'ai trouvé un gars super sympa qui m'a amené jusqu'au centre-ville. Mais c'était un tel bordel du monde, de la circulation, des circulations, des klaxons, plein de mecs dans la rue. Je me suis vraiment sentie hyper étrangère, quoi. Genre, qu'est-ce que je fous là? Et je me souviens d'être assise dans la douche à pleurer toute ma première soirée. Genre, j'ose pas sortir, quoi. Et puis, assez vite, j'ai rencontré une nana qui était là aussi un peu seule comme moi. J'avais des cours à l'université. Donc, l'échange que j'avais trouvé avec... c'était un échange avec la communauté française de Belgique. Ça me permettait de garder mon chômage et d'avoir les cours et le... Enfin, j'avais une petite bourse, mais c'était vraiment rien, quoi. Je crois que c'était genre 80 euros par mois. Mais bon, j'avais mon chômage, donc c'était super cool. Parce que c'était considéré comme une formation qui prolongeait mes études de journalisme, en fait, le fait d'apprendre l'arabe là-bas. Et quoi, tu veux dire que tu avais un moyen de subsistance comme ça, oui, tranquille, quoi. Donc tu devais pas chercher absolument de la thune en Égypte, quoi. Non, pas du tout. Ouais, donc j'étais hyper privilégiée pour ça, c'est clair, d'avoir pu conserver mon chômage et d'avoir ce petit truc. Mais par contre, cette petite bourse et le fait d'être dans ce format d'échange a fait que j'ai été confrontée au début, les premiers jours, à plein de démarches administratives. Et alors, c'est déjà l'enfer en Belgique, les démarches administratives. Mais alors, en Égypte, quand tu parles pas la langue, que tu comprends rien, je peux te dire que j'avais l'impression d'être Astérix, la baladée d'un endroit à l'autre et tout. C'était vraiment chaud, quoi. Et donc, voilà, ces premiers jours-là, même ces premières semaines ont été rudes. Puis, j'ai rencontré cette nana, Mélie. Et puis là, ça s'est un peu débloqué. Elle m'a dit, mais moi, je prends des cours en plus à l'Institut français et tu veux pas qu'on cherche un appart ensemble. Et donc, les choses se sont mises parce que j'étais plus seule, en fait. Et puis très vite, comme je disais juste avant, j'ai découvert que cette langue arabe, ça allait vraiment me plaire et j'ai plongé là-dedans à fond, quoi. De tout moi, quoi. Et quoi, tu parles aujourd'hui arabe ? Ouais, je parle égyptien, quoi. Je parle l'arabe égyptien. Alors, c'est une grande frustration parce que je parlais quand même mieux en partant. Puis, je suis rentrée en Belgique 5 ans après. Après, j'ai continué à faire des voyages réguliers pour différents projets. Mais c'est sûr que... j'ai perdu. Et en même temps, je sais que j'arrêterai jamais d'apprendre cette langue, quoi. Tu vois, j'ai envie de l'approfondir. Mais donc, je parle égyptien... Je peux comprendre 90% de ce qu'on me raconte, tu vois. Après, parler, à chaque fois, j'ai un petit temps d'adaptation quand j'y retourne, de quelques jours, retrouver mes mots et tout, ma fluidité. Mais là, on va aller s'installer un an en Égypte avec ma famille. Et du coup, ça va être l'occasion d'ancrer tout ça. Tu vois, je vais reprendre des cours et continuer, quoi. Mais je ne suis pas capable de lire un bouquin de Naguib Mahfouz, quoi. Je peux avoir une conversation en dialecte égyptien, me débrouiller d'ailleurs dans pas mal de pays du monde arabe parce que tout le monde connaît les séries égyptiennes et donc comprend le dialecte égyptien. Mais après, lire et prendre des notes en arabe, tout ça, c'est compliqué pour moi, quoi. Écrire des mails. Ouais. Et si on rentrait un petit peu dans le cœur du sujet, qui est que t'arrives là en Égypte et il y a la révolution... Tu peux nous raconter un peu de ton point de vue, évidemment. Ouais. Après, bon, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? On sait bien ce qu'il en est aujourd'hui, mais toi, comment tu racontes les choses ? Mais en fait, c'était pas tout de suite. Hein. D'abord, je suis arrivée en 2008 et la révolution, c'était en 2011. Donc, normalement, je devais rester un an pour ces études. Et puis finalement, j'ai décidé de rester plus longtemps et de m'installer comme photographe, comme photojournaliste en 2009. Donc, tu vois, j'avais quand tout ça a éclaté, j'étais déjà là depuis un petit temps. Et ça a été vraiment énorme parce que je crois que mon expérience aurait été vraiment différente si j'avais rejoint ce mouvement, tu vois, où que j'étais arrivée pendant ce mouvement. Parce que j'avais commencé à suivre des jeunes... En 2010, en fait, des jeunes engagés en politique, activistes. Et suivre dans quel cadre ? Les suivre avec mon appareil photo, quoi, dans leurs activités. En fait, il y a un jeune en 2010 qui est mort, qui s'appelle Khaled Saïd. Il a été tabassé à mort par la police à Alexandrie. Il sortait d'un cybercafé et il était suspecté d'avoir posté une vidéo sur Internet qui mettait en cause les flics. Et donc, il est tabassé à mort. Et ça a fait un énorme truc, son visage. Peut-être tu t'en souviens, en fait. Khaled Saïd, c'est son visage circulait sur Internet avant-après, quoi. Avant et après les coups... et sa mort brutale, quoi. Et ça a été des premiers rassemblements en 2010. Et donc là, je suivais ces jeunes et je me disais, waouh, il y a un truc qui se passe, quoi. Et c'est une population très, très jeune en Égypte. Et en même temps, les jeunes sont très, très marginalisés. Il n'y a pas de perspective. On parlait souvent très mal des jeunes, quoi, en mettant en plus tous les jeunes dans le même sac, ce qui est complètement débile. Mais quand tu dis ça, qui parlait mal des jeunes, les plus vieux, tu peux? Oui, les politiques, la presse. Et on parle beaucoup des chebabs, quoi, les jeunes, les bandes de jeunes, tu vois, voilà. On dit hein, que c'est une révolution qui s'est faite, je ne sais pas si tu es d'accord, qui s'est faite via les moyens technologiques, d'abord. Oui, c'est bien, ça lit, ça me permet de retrouver le fil de mes idées, parce qu'en fait, Khaled Saïd, sa mort a créé des rassemblements, mais aussi une page sur Facebook qui s'appelait « Kolena Khaled Saïd », « Nous sommes tous Khaled Saïd ». Parce qu'en fait, c'était la prise de conscience par tous les jeunes que ça pouvait arriver à tout le monde, parce que ce mec-là, il venait pas des quartiers pauvres, il était plutôt d'un milieu aisé, et plutôt éduqué, etc. Et donc, ce truc de « on est tous Khaled Saïd », c'est sur cette page Facebook qu'est né l'appel à la première manifestation du 25 janvier 2011. Et donc, pendant tout ce temps-là, tu vois, préalable, c'est dans ce sens-là que je les suivais, quoi. J'allais partout où ils allaient, où ils voulaient bien que je sois. Et donc, j'ai assisté à des moments hyper précieux, quoi, d'être là dans des réunions de préparation, de premières manifs, où ils s'organisent, où à la fin, ils se font passer des petits papiers, ils font des sous-réunions, parce qu'en fait, ils savent que dans la salle, il y a des mouchards, enfin, des trucs. Et moi, j'y croyais pas trop au début, franchement. Je me disais, ils flashent, quoi. Enfin, tu vois, Mais tu croyais pas trop à quoi? Je croyais pas trop qu'il y avait des mouchards dans la salle, qu'ils étaient fliqués à ce point-là, surveillés. Je me disais, mais ils flashent, ils pensent. En fait, il me semblait se donner trop d'importance, presque, tu vois, avec mon regard d'occidental, franchement. Et aussi de... J'avais l'impression que ça allait être une petite manif. Et tout ce que j'avais vu jusque-là, parce que j'avais suivi pas mal de trucs, il y avait eu des élections, c'était des sit-ins. Enfin, en gros, des gens se rassemblent, mais ils sont entourés de flics, de cordons de flics, tu vois. Mais ils ne marchent jamais. Et là, il y a un de mes copains activistes qui vient me dire dans l'oreille, ce jour, la veille du 25 janvier, donc le 24 janvier, pendant cette réunion, il me dit, ce qu'on n'a pas dit, c'est que demain, on va marcher. Et c'est marrant parce que tu dis ça ici, tu te dis, on va marcher, oui, c'est une manif, quoi. Mais là-bas, c'est un truc énorme de marcher. Parce que je te dis, d'habitude, ils sont toujours sit-in, les cordons tout autour, quoi. Tu veux dire que c'est interdit de manifester, en fait, en gros. Le peuple ne peut pas bouger. C'est le mouvement. Tu vois, c'est intéressant, hein, philosophiquement. Le mouvement est interdit, quoi. Tu peux manifester, mais tu dois rester sur place, entouré de flics, quoi. C'est cool, le soleil qui arrive. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils revendiquaient, en fait, cette jeunesse, en fait, en gros? Donc, le Kolena Khaled Saïd, c'était dire en finir avec la brutalité, l'arbitraire policier. On vit dans un état policier et on veut en finir avec cette police qui a tous les droits. Ils veulent changer la donne, quoi. Ils veulent changer la donne, ils en ont marre. Oui, ils veulent changer la donne, mais après, les premiers slogans, c'était génial. Hein. C'était Adala Ektimaïa. La liberté, le pain et la justice sociale. La base, quoi. En plus, tu vois, c'est ça, il y avait un truc, une sorte de candeur. C'est très... utopiste, en fait, comme revendication. Tu vois, c'est pas tellement concret. C'est très... On veut tout changer, en fait. On veut changer tout. Et donc, on va marcher. Ils me disent, on va marcher. Et effectivement, le 25 janvier, je me retrouve avec un petit groupe d'activistes. On a dû prendre 1000 détours pour arriver à l'endroit où on allait commencer à marcher. J'avais une chef de groupe, Soulafa. On en reparlera sans doute. C'est une amie très chère. Aujourd'hui, donc elle nous mène, on est une dizaine, et on arrive, donc on doit prendre deux métros, un microbus, marcher, et puis on arrive dans ce quartier ultra populaire qui s'appelle Boulak Dakrour. C'est genre, c'est ce qu'on appelle Achouaouiette, c'est un quartier informel, c'est de la terre au sol, enfin tu vois. C'est hyper mal desservi, il y a qu'un pont qui arrive là, bon voilà. Elle me dit, on est à l'avance. Je me dis, ou alors on est en retard. Enfin, en gros, on a le temps d'aller manger un kouchari. C'est un plat égyptien avec des pâtes, des lentilles, des pois chiches. Enfin, le truc hyper, hyper voratif, le plein de féculents, quoi. Et on est là et je me dis, merde, même pour faire la révolution, ils sont en retard. Tu vois, encore hyper jugeante avec ma culture occidentale, quoi. Et j'y croyais pas. Et puis on sort de ce bazar. Et là, je commence à voir des petits groupes d'activistes tous les, je sais pas, 100, 200 mètres, Tu vois, je vois qu'en fait, sur toute la rue, là, la grande rue de Boulak Dakhrour, il y a des petits groupes de 2 ou 3, 4, 5. Je me dis, ah ouais. Et puis, à un moment donné, ça commence. Je sais pas, il y en a un qui lance le signal de départ et tout le monde se met en mouvement, commence à marcher et ils criaient « Enzil, Enzil !» Et c'était ça leur pari, c'était de faire descendre. Enzil, ça veut dire descendre, de faire descendre les gens, que les gens de ces quartiers populaires marchent avec eux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup dit aussi que c'était la révolution des jeunes, parce qu'en fait, c'est eux qui sont mobilisés et qui ont réussi à faire descendre plein d'autres gens derrière eux, quoi. Et ouais, c'était fou, quoi. On a commencé, on était... je sais pas, peut-être 50, et puis ça grossissait. Et quand on a passé ce pont pour rejoindre une route plus principale au Caire, qui pour aller vers la place Tahrir, la place où on s'est tous réunis après, hein, la fameuse place de la Libération, où c'est là que ça s'est passé, sont passés les gros des manifestations, eh ben on était, je sais pas, 1000, enfin c'était hyper dense, enfin, j'en sais rien, je connais rien, mais c'était hyper impressionnant. Après, c'est hyper dense, le Caire, c'est 20 millions d'habitants, donc c'est vite dense, quoi, mais c'était fou, quoi. Et je vois Souleifa qui vient dans mes bras, tu vois, qui court dans mes bras, qui dit, on a réussi, Pauline, on a réussi, quoi. Parce que c'était déjà ça, la victoire, tu vois, avoir tous ces gens-là. Une première fois où les gens sont dans la rue, quoi. Ils descendent sur l'appel des jeunes qui n'avaient aucune... D'ailleurs, c'est un des trucs qui est resté après tout le retournement de situation et tout, c'était de dire, oui, mais on a réussi ça. On a fait en sorte qu'à un moment donné, les gens nous écoutent et d'éveiller les consciences politiques des gens. Et ça, c'est nous. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas, quoi. Et je trouve que c'est hyper important de se le rappeler quand on est dans une contre-révolution et dans un truc où, voilà, l'armée a pris le pouvoir, c'est hyper dur. Mais non, en fait, il y a un truc qui reste. Parce que ça, voilà, ils l'ont fait, quoi. Mais ça a duré combien de temps, tout ça ? Après, tout ça, ça a duré 18 jours. Donc après, pendant 18 jours, la place Tahrir a été occupée et c'était hyper beau parce que c'était hyper aussi idéaliste. En fait, tout le monde était mélangé sur cette place. Parce qu'en fait, il y avait un seul objectif, que Moubarak dégage. Le reste, que ta religion, ton idéologie, tout ça n'avait aucun... Enfin, c'était pas important, c'était juste Moubarak, le dictateur, doit partir, quoi. Et donc, pendant ces 18 jours, c'était chouette. Il y avait enfin, vraiment chouette, quoi, l'énergie et tout. Mais après, il y a eu des rebondissements un peu chauds. Et puis, finalement, Moubarak est parti. Et puis, il y a eu tout un processus politique... plus classique, avec des élections, un référendum pour la constitution, des élections, etc. Mais dès le début, c'était biaisé, en fait. Dès le début, en fait, c'est ce qu'on n'a pas vu. Et je me souviendrai toujours, et moi, je n'ai pas vu non plus, hein, moi, j'étais dans le truc avec eux, donc je ne voyais rien, tu vois. Mais dès le début, je me souviens, on faisait la fête, on a été faire la fête à fond quand Moubarak est parti et tout. J'ai été faire des photos pour assurer ce que je devais assurer. Et puis, je suis allée faire la fête avec plein de potes. Et je croise un journaliste du Figaro qui me dit... on était en mode fête, quoi. Et il me dit, c'est quand même fou de se réjouir autant d'un coup d'État militaire. Et alors, on était là, mais quoi, t'es vraiment chiant et tout. Et en fait, il avait raison, mais je l'ai vu, je l'ai compris des années plus tard. C'est qu'en fait, l'armée était derrière tout ça. Moubarak, ça faisait déjà un bout de temps qu'ils n'avaient plus envie que ce soit lui, qu'ils avaient envie que l'armée reprenne le truc. Donc, on dégage. C'est un classique, ça. Hein. C'est un classique. Mais c'est un classique qui a été très, très, très bien mené parce qu'ils ont réussi à rester vraiment dans l'ombre jusqu'au 2013, quoi. Et à faire penser qu'il y avait un réel processus démocratique, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu les frères musulmans avant que l'armée reprenne le pouvoir. Et les frères musulmans, ils ont été élus, vraiment, par le peuple, quoi. Ça, tu vois, c'est clair. Je ne suis pas très au courant, non. Mais donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que pendant 2 ans, ils ont réussi à faire semblant qu'il y avait un processus démocratique à l'œuvre, quoi. Et ils ont même réussi à faire semblant qu'ils étaient les sauveurs de cette démocratie, puisqu'ils ont, quand les frères musulmans ont un peu déconné... Ils ont orchestré un deuxième sursaut révolutionnaire. Il y a eu beaucoup de gens dans la rue le 30 juin 2013 et ils en ont profité pour dire « Ok, on vire les frères musulmans, ces islamistes, les mettre sur des listes d'organisations terroristes et prendre le pouvoir, mais avec l'appui du peuple. » Et ça, c'était vraiment... Enfin, en tout cas, d'observer tout ça, c'était tellement diabolique, quoi, comme plan. Puis après, il y a eu tout un plan de réécriture de l'histoire. Et donc, en tant que témoin, parce que tu vois, je me sentais partie de ça, mais pas partie de ça. J'ai fait des films, j'ai fait des sujets, un livre, photo, j'ai fait plein de choses là-dessus. Et j'avais l'impression à certains moments d'en faire partie, mais en fait, j'en fais pas partie. Je suis témoin de ça. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis j'en fais pas partie ? Ben, si tu veux, j'ai l'impression d'en avoir fait partie, mais je suis pas égyptienne. Justement, tu peux avoir une chouette position en étant, tu vois ? Oui, c'est une chouette position. C'est une chouette position que je suis hyper honoré, enfin honoré c'est un mot bizarre, mais tu vois que j'ai adoré et que j'adore encore maintenant, mais qui vient avec une sacrée responsabilité, enfin de la manière dont je le vois, c'est de dire que à un moment donné tout le monde est parti. Tu vois, tous les journalistes, quand l'armée a pris le pouvoir, on avait fait les 2-3 trucs. C'était compliqué aussi, hein. Je leur jette pas la pierre. Les 2-3 trucs. Les 2-3 sujets, quoi. Les 2-3 sujets qu'il fallait faire. Okay. Je leur jette pas la pierre. Mais après, tout le monde est parti. Et on a oublié. Et on laisse l'histoire se réécrire complètement sans avoir l'impression d'avoir aucune responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Ben non, en fait, on en a une. C'est celle de raconter l'histoire comme nous, on l'a vu, comme nous, on l'a entendu, comme nous, on nous l'a raconté. Et pas comme le gouvernement égyptien, la dictature militaire actuelle veut la raconter avec le soutien des Occidentaux, tu vois. Voilà, et ouais. Et là, oui, je me sens hyper investie comme ça. D'ailleurs, je sais pas, il y a un truc. Non, mais c'est vrai, je me sens hyper investie. Donc, elle est chouette, cette position. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as toujours quand même un peu le cul entre deux chaises. Quand t'es autant... Parce que tous ces gens... Il y a plein de gens qui sont devenus vraiment mes potes, proches, tu vois. Vraiment proches. Tous ces gens révolutionnaires, entre guillemets. Tous ces gens que j'ai photographiés, qui étaient en fait au départ, si tu le vois de manière très cynique, journalistique, des sujets de mes reportages. Bah non, en fait, c'est devenu mes amis, proches. Enfin, et donc, petit à petit, t'as quand même un shift qui s'opère, quoi. Jusqu'à ce que je... Si on reste sur l'histoire égyptienne... Je peux te raconter un truc assez perso du moment où je crois où ce basculement s'est vraiment opéré pour moi. C'est que un des derniers sujets que j'ai fait là-bas, c'est sur les disparitions forcées. Donc l'armée kidnappe des gens qui disparaissent pendant plus ou moins de jours. Parfois ils réapparaissent, parfois ils réapparaissent pas. Ou ils réapparaissent morts. Ou ils réapparaissent coupables de cas. Tu vois, genre, sans minimiser, mais c'est vraiment la procédure qui... Enfin, tu vois, c'est... C'est un peu du... Oui, c'est la manière forte. Et ça se répète, ailleurs, dans d'autres pays. C'est tu vois. Militaire, quoi. Non, c'est très militaire, en fait, je crois. C'est le truc de disparition forcée aussi. Non, dans les pays où il y a eu ça... moi, je ne connais pas bien, mais en Amérique latine, il n'y a pas eu aussi beaucoup de disparitions forcées et tout ça. Et c'est des militaires au pouvoir, quoi. Ouais. Surtout quand il y a la dictature qui est là, on a tous peur, on ne peut pas ouvrir sa gueule. Militaire, parce que tout le monde avait très peur. Pourquoi ça est passé aussi? Parce que tout le monde a très peur de la dictature islamiste, soi-disant. Et je ne minimise pas la dictature islamiste en Iran, tu vois, par exemple. Mais je pense que la dictature militaire, elle est bien plus brutale et bien plus violente, en fait, que ce qu'on peut imaginer. Tu vois, que non, le fait que les militaires viennent sauver... les Égyptiens des islamistes n'est pas un sauvetage, quoi, tu vois. Enfin bon, voilà. Mais toi, t'as réussi un peu à décrire, du coup, tout ça, à avoir une vision claire de ce qui se passait, et tu l'as rendu dans un docu ou pas du tout? Non, tu n'y tirais pas jusque-là. Donc, t'as fait une exposition de photos, quoi, où on voit des jeunes en plein de manifs. Je vais te montrer un truc, si tu veux. C'est un livre, enfin, c'est une exposition et un livre. Ça s'appelle Génération Tahrir, Gil Tahrir. C'est en français et en arabe. Et voilà. Et c'est un travail en collaboration avec un artiste égyptien dont j'ai scanné, tu vois, tous les... Enfin non, pas de souvenirs. Mais quoi, du coup, il y a des légendes. Oui, il y a des légendes, bien sûr. Et il y a des textes. J'ai aussi travaillé avec un auteur qui a écrit un texte. Tu regarderas ça. Ouais, Génération Tahrir. Ouais. Voilà. Mais donc, très modestement, franchement, moi, j'ai rien. Il y a des moments où je comprenais rien. Tu vois, c'est ce que je disais. Le journaliste qui dit oui, c'est un coup d'État, je n'avais pas compris. Et en fait, c'était suspect pour moi. C'est les gens qui disaient qu'ils comprenaient la situation en Égypte. Tu vois, j'avais l'impression qu'eux, ils étaient. Et quoi, avant ce travail, t'avais quel âge, en fait, là? Là, j'avais. C'était quoi, 2011? Enfin, oui, 2011. Je suis née en 82, donc quel âge j'avais? Je ne sais pas du coup, mais moi, je ne vais même pas marcher de... 29 ans. Ah, ouais. Donc, oui, moi, je t'imaginais plus jeune, mais 29 ans quand même. Mais quand je suis arrivée au Caire, j'avais 25 ans, quoi. 24, 25 ans, je ne sais plus. Je suis nulle aussi avec le temps et les âges et tout. Mais je crois que pour moi, c'était déjà... Tu vois, au lieu de comprendre, d'analyser, c'était raconter. Ça raconte, comme moi... Ça me semblait la plus juste manière de raconter. Mais donc, il ne s'agit pas de... Tu vois, ce que tu disais, comment tu as posé la question, je trouve ça intéressant. Comment tu comprenais ce qui se passait? Enfin, non, comment tu as dit? Je ne sais plus. Non, mais c'est par rapport à ta conscience, parce que moi, allez, ma conscience politique, mais pas partisane, je m'en fous, mais même si c'est intéressant de comprendre un peu qu'est-ce qui se joue au niveau des partis. Elle s'est réveillée tard, quoi. Tu vois, à 20 ans, je découvrais la vie. Mais pour toi... Est-ce que c'est pareil, ta conscience politique, la conscience Tu sais comment on fait en sorte que c'est le chaos dans un pays, puis on amène un sauveur, mais en fait, ce sauveur, c'est pas vraiment un sauveur. Moi, j'ai vu plein de docus, ça répète tout le temps la même chose, quoi. C'est toujours une main mécanique qui se met en place, quoi, tu vois. Ouais. Et je me demandais ta conscience à toi politique, mais oui. Pas au sens partisan, mais au sens... Oui, je comprends. Même de comprendre un peu tous les enjeux politiques et même géostratégiques qui s'y passent. Voilà. Non, mais ça m'a mis du temps, ça m'a mis du temps. Je crois que c'est vraiment quand j'ai fait ce travail sur les disparitions forcées, donc en 2017, et quand j'ai fini Rester vivant, quoi. Tu vois, ça faisait 5 ans. Donc Rester vivant, c'est un docu sur la Révolution, mais aussi l'après, etc. Sur la Révolution... Ouais. Et là, on avait le recul des 5 ans, et je suis repartie voir des gens, des jeunes, dont Souleifa d'ailleurs, dont je parlais, et les confronter avec leurs images d'alors. C'était assez dur comme processus. Et ce qu'ils sont aujourd'hui, mais l'idée était de voir comment tout ça, tu vois, avec le recul qu'on a maintenant, c'était pas de les juger en disant, vous avez vu ce que vous aviez dit, vous changez d'avis. Non, mais où on en est maintenant, qu'est-ce qu'on a compris, comment est-ce qu'on peut vivre, en fait, avec toute cette nouvelle connaissance. Mais donc, si tu veux, le cheminement, je l'ai fait en même temps, quoi. Et en même temps que cette histoire-là, en fait. C'est vraiment cette histoire-là, elle m'a fait grandir en tant que photographe, mais aussi réalisatrice, mais aussi humainement, quoi. Comme, parce que oui, ça m'a aussi éveillé ça a éveillé ma conscience. Je me rendais compte de choses, mais clairement pas de tous ces enjeux-là, toutes ces manipulations, le rapport Occident aussi. Occident, Égypte, tout ça, j'étais très loin de comprendre ces enjeux-là. Et puis, j'ai fait ce truc sur les disparitions forcées. Et là, oui, là, c'est vraiment rentré dans les mécanismes de violence, quoi. Tu vois, c'était vraiment dur. Et en même temps, aussi hyper décevant, parce que tu essayes d'en parler. Ici, quand tu reviens, tu as cette matière-là. Comment est-ce qu'on s'en empare? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tout le monde s'en fout. Ah ouais? Vraiment? Tout le monde s'en fout. J'ai l'impression qu'on sait, en fait. Ils savent. C'est là-bas, ça se passe. Ça n'a pas... Ouais. Parce que là, on... Allez, au présent, il y a la Russie, là. Hein, ouais. L'Ukraine, c'est la guerre, il paraît. Hein, ouais. Ouais. Mais tu vois, je vais dire un truc hyper, hyper violent. Mais je m'en fous. Non, je m'en fous pas, évidemment. Je m'en fous pas si des gens subissent une violence ou une oppression. Mais je veux dire, c'est comme si on découvrait... qu'il y avait des violences dans le monde aujourd'hui, mais ça va pas la tête, en fait. Enfin, tu vois, il y a des gens qui meurent dans notre mer, à nos portes, tous les jours, en fait. On en parle ou pas de ces morts-là? En fait, il y a une hypocrisie, quoi. C'est tellement... Mais moi, j'en peux plus. Hein. Ça, c'est vraiment... Genre, je dis... je sais pas si t'as vu le film de John Carpenter, Day Live. C'est un vieux film où il met des... Je sais pas c'est quoi le titre en français, mais il met des lunettes et il voit les zombies et tous les vrais messages du monde, tu vois. Il voit que partout c'est écrit obey, consume, tu vois. Et il y a des matins, vraiment, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai les lunettes et c'est insupportable. Donc je vois tous les zombies autour de moi, tous les messages subliminaux, ça va pas du tout, quoi. Parce que, en fait, c'est hyper dur de pas vivre dans le déni. C'est pour ça qu'on vit tous dans le déni. Parce que, en fait, sinon, c'est super dur. Et donc, il y a des jours aussi où je ferme la, tu vois. Je crois que oui, parce que c'est très hypocrite. Moi, j'entendais le ministre des Affaires étrangères ce matin sur France Inter, la radio publique française. Quelle hypocrisie. Mais je me disais, mais il faut que je coupe, hein, pourquoi j'écoute ça, tu vois. C'est hallucinant d'entendre ça, tu vois. Voilà. Mais est-ce que tu crois pas? Moi, le seul truc qui me rassure un tout petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être juste moi, mais je crois pas. Je sens aussi ça dans les gens avec qui je cause, même des gens qui sont pas engagés ou tu vois, je sais pas, j'allais dire de gauche, mais c'est con. Mais je sais pas, mais des gens qui sont pas impliqués sur ces questions-là, qui commencent à douter. Le doute aujourd'hui est là, quoi. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire si les gens doutent, remettent en cause l'autorité, il y a une chance, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Oui, mais il y a aussi le revers de ça, c'est qu'on ne croit plus à rien, même quand il faut le croire. Et du coup, ouais. On est dans une crise de valeurs, une crise de croyance, c'est clair. De repères, en fait. Oui, non. Mais peut-être que c'est ça l'étape avant un mieux. En fait, je suis quand même un peu persuadée que ça va être bien pire avant d'aller mieux. Donc, tu vois, il faut que ça pète, quoi. Ça ne peut que péter. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, à un moment donné, ça va exploser, quoi. Mm. C'est comme en revenant d'Égypte, Enfin, je ne sais pas si je fais un lien. Tu m'arrêtes si je pars trop loin, mais en revenant d'Égypte, donc en 2013, avec le retour de l'armée, donc j'ai continué ces projets en faisant des allers-retours, mais on est vraiment rentré s'installer en Belgique, parce que j'étais enceinte de ma fille, et c'était vraiment pas un climat chouette pour avoir un enfant. On était censé rester, et elle était censée naître là-bas, mais donc voilà, on prend la décision de rentrer, et mon cœur est vraiment brisé, quoi. C'était vraiment dur, ce retour. Je le vis très mal. Pourquoi tu dis que c'était pas un climat chouette pour avoir un enfant ? Parce que les journalistes étaient fliqués, suivis dans la rue, tu vois, appelés, harcelés au téléphone en disant « on vous surveille ». Moi, je travaillais beaucoup avec des frères musulmans. Eux étaient arrêtés, disparaissaient. Enfin, quand je dis « je travaillais beaucoup », c'est que j'ai fait beaucoup de sujets. J'étais vraiment bien ancrée dans ces milieux-là, tu vois. Et j'ai fait beaucoup de sujets sur les femmes, dans la confrérie des frères musulmans, des choses comme ça. Et c'était pas un... J'allais être comme un lion en cage, quoi. C'est ce que mes potes me disaient. Ils me disaient, barre-toi, en fait. Franchement, t'as un passeport. Enfin, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et donc, je me suis barrée. Mais maintenant, je suis hyper contente de cette décision parce que c'est ça qui permet que j'y retourne avec... et j'ai pu continuer mon travail là-bas. Je crois que ça m'aurait détruit de rester là. T'as pu continuer ton travail ici aussi. Oui, ici, en faisant des allers-retours et du coup à continuer à être dans cette responsabilité, le témoin de l'histoire en cours, tu vois, d'essayer. Enfin, ça fait un peu pompeux de dire ça, témoin de l'histoire en cours, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, de dire je continue à raconter, j'abandonne pas en fait ça. Et oui, mais ici, qu'est-ce que ça a eu comme influence tout ça au fond ? Non, tout ce travail. Influence sur quoi ? Par rapport à quoi ? Mais à quoi ça sert, au fond, j'ai envie de poser cette question, à quoi ça sert de prendre des photos, de réaliser des docus, ça sert à quoi, puisque tu as ramené de la matière de là-bas, d'Égypte, ici. Ouais. Et c'est quoi, en fait, parce que... À quoi ça sert ? Sinon, ça fait comme du voyeurisme, ou genre, moi, je l'ai fait, voilà. Oui, bien sûr, à fond, ça sert à quoi ? Mais ça sert à raconter l'histoire, mais autrement, tu vois, j'ai l'impression que j'ai raconté l'histoire plus librement, et parce que dans un autre cadre, plus long, etc., que ce qu'on a pu voir dans les médias, par exemple. Et ça, je m'en suis bien rendu compte, et c'est là, c'est bien parce que ça m'amène à l'anecdote, l'histoire que je voulais te raconter sur quand je suis rentrée. J'ai été à intervenir dans des classes, genre à Molenbeek, sur la révolution égyptienne et tout, à la demande de potes, profs ou quoi, parler avec des jeunes de ce qui s'était passé en Égypte. Et c'est revenu tout le temps. Ils me disaient, mais c'est pas vous qui avez fait les photos. Pourquoi ? Et je vous avez pris sur Google. Je dis, ben non, c'est moi qui les ai faites. Et alors, en fait, ils avaient tellement de mal à croire que quelqu'un qui avait été comme ça un témoin de première ligne soit là devant eux, parce qu'en fait, de toute façon, eux, on s'en fout d'eux. En fait, tout le monde s'en fout complètement d'eux. Ils ne sont pas du tout représentés, eux, dans nos médias. Et qu'on leur avait vendu ça comme une énième histoire, tu vois, une énième propagande, en fait, sur comment ça s'était passé. Et c'était hyper interpellant. Je me suis vraiment sentie... J'étais dans ma bulle là-bas, en fait, en Égypte. Et puis, dans ma bulle de journaliste, justement, comme tu dis, quoi, vraiment. Quel est le sens de tout ça ? Tu vois, je me suis posé ces questions-là. Mais d'un coup, ça faisait genre... je sors de ma bulle, elle éclate, et qu'est-ce qu'on... Et là, je me souviens d'avoir des discussions hyper violentes avec des potes journalistes avec qui j'ai étudié, en disant, mais ça va... Ici. Ça va péter, en fait. Vous vous rendez pas compte, en fait. Il faut commencer à prendre en compte tout le monde. On peut pas laisser toute une partie de notre population de côté et faire semblant que tout va bien. Ça va nous péter à la gueule. Et c'était avant les attentats, hein, tu vois. Et il y avait ce truc... Je sentais ce truc de genre... putain, en fait, c'est eux et nous, quoi. Il y a un truc qui était hyper violent. Alors que j'avais eu l'impression de faire tout le contraire en étant là-bas, tu vois, et en travaillant pour les médias, de parler de la révolution, de la jeunesse arabe, tu vois, autrement. Lalala. En fait, je me suis rendu compte que c'était faux, quoi. Que c'était pas vrai. Que j'avais pas contribué à ça comme je le croyais, en fait, en tout cas. Mais à quoi ça, précisément ? À ça, ce que j'aurais voulu faire, ce à quoi j'aurais voulu que ça serve. Mais à faire des à raconter les histoires autrement, à donner une autre image des gens, en fait. Et c'est pour ça, ces travaux au long cours, ils viennent après, si tu veux, viennent dans un deuxième temps. Génération Tahrir, il sort en 2016, mon premier film là-bas aussi, non, en 2017, ou en, non, même 2018. Enfin, voilà, tout ça, c'est des travaux au long cours qui prennent le temps, qui racontent les choses avec nuance. Et oui, ça a moins d'audience. C'est moins vu, tu vois, c'est plus de la niche. Mais au moins, sur les quelques personnes qui ont vu ça, qui ont apprécié ça, ça a créé une toute petite différence dans la manière dont ils s'imaginent le monde, quoi. C'est symbolique, le changement. Bien sûr que je ne veux pas changer... avant, je croyais que je pouvais changer, tu vois, les choses avec mes photos. Maintenant, je sais que c'est débile d'avoir pensé ça un jour, que c'est vraiment... tu vois, la petite blanche avec son appareil photo qui va changer le monde. Enfin, c'est vraiment... Mais on nous a vendu un peu ce mythe-là, hein, avec les photos qu'on voyait, qui avaient arrêté la guerre au Vietnam. Tu vois, genre, donc tu te mets à rêver que moi aussi, je vais aller faire des photos qui vont arrêter la guerre, je sais pas où. Bon, c'est débile maintenant, je sais que c'est débile, mais sur le moment, ouais, j'étais dans ce truc-là. Mais par contre, je crois hyper fort au pouvoir symbolique du récit. Et je crois que ce que je fais, moi, c'est que des petites pierres à un édifice qui est énorme, mais c'est vraiment même des grains de sable. Mais que si on est plein à faire ça et à raconter les histoires autrement, le monde change. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on raconte les histoires autrement. Voilà, c'est ça. Alors ça paraît très aussi utopiste, mais bon, en même temps, il faut bien un petit peu rêver, non, pour se sauver. Je sais pas, moi, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Et je continue à faire ça aujourd'hui. Donc, c'est ça l'impact que ça a eu sur moi, quand même. C'est aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, je me dis, OK, j'ai envie qu'on représente, qu'on raconte les gens, qu'on raconte les choses autrement, quoi. Un tout petit peu autrement. Et je ne veux pas dire que je fais mieux que les autres, mais j'essaie juste de faire un peu autrement. C'est tout. Je ne sais pas, j'ai répondu ? Non. Mais oui. Il y a 35 minutes. Allez, dans 10 minutes, on arrête. Mais je vois que ma carte, j'aurais dû mettre une... Ça va, j'en ai une autre. Elle est bourrée. J'aurais dû la nettoyer un peu. Elle va s'arrêter là. Oui, elle va s'arrêter. Il reste 2 minutes. Je vais mettre l'autre. Je vais mettre l'autre. Mais on en était où, là? Donc, ouais, toi, t'es là. Mais moi, je suis une pipelette, quoi. Je suis une grosse pipelette. Hein. Tu sais pas sur qui t'es tombée. J'adore parler. Mais non, mais c'est intéressant de pipeler. Après, ton travail aussi est intéressant et pose des questions, quoi, tu vois. Moi, c'est pour ça que je... Oui, parce que tu fais pas simplement de la photo de mode ou de la photo qui consomme, qui donne des belles images. Tu y mets quand même quelque chose d'autre. On pourrait l'appeler comment, ce quelque chose d'autre? Politique, engagé, une autre manière de voir le monde. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi les mots qu'on mettrait? Ouais, il y a Shift qui est un docu sur le Deliveroo, l'affaire du trou, Maouda, une pièce de théâtre. Il y a Shane, première fiction, ça, ouais. Sur deux femmes, tu m'as dit, ou en Égypte, deux femmes qui s'aiment en Égypte. Mm-hmm. Tu vois, c'est quand même chaque fois des sujets... comment on pourrait... Je sais pas, mais c'est un cheminement, quoi. Tu vois, ça part, oui, du journalisme, puis du documentaire, puis du temps long, puis de faire des films, puis de se dire, en fait, j'ai pas envie d'être dans une case, j'ai envie de trouver... Pour moi, ce qui compte, c'est l'histoire, comme je disais, quoi, le récit. Comment est la meilleure manière de raconter telle ou telle chose, et puis d'être libre dans ce que tu choisis. Et puis j'apprends tous les jours, tu vois, parce que oui, je savais pas faire de film. Enfin, tu vois, j'ai pas fait d'études de cinéma, mais c'est aussi un processus d'apprentissage pour moi. Mais évidemment que je me sens quelqu'un d'engagé. Mais je trouve que cette question-là n'a même pas lieu d'être aujourd'hui. Enfin, qui, que ça soit un journaliste, un documentariste. Enfin, j'ai l'impression que on est engagé par essence, quand tu es engagé dans ce que tu fais, parce que tu veux le faire avec justesse et passion, quoi, non? Enfin, je sais pas. Mais cette question, elle permet de cataloguer... Moi, ça m'énerve un peu, parce que, justement, on me dit... Tu vois, c'est comme si on pouvait écarter d'office, parfois, ou certaines personnes pourraient écarter d'office ce que je vais raconter, parce que c'est engagé ou c'est biaisé, tu vois. Donc... Ouais. En fait, C'est une question qui te permet en fait de dire bah tiens voilà comment tu te situes un peu sur une ligne quoi, mais ça n'empêche que cette ligne peut faire des ronds, peut partir partie, donc ça a coupé parce que ma carte est pleine, c'est bien, hein, carte est pleine, ça veut dire que y a des rencontres derrière, hein. Et ici avec Pauline Benise, allez on continue parce qu'on a on, ça s'est coupé à cause de, oui je viens de le dire, mais on en était à le fait de faire des ronds et des lignes, d'aller à droite, à gauche, de dévier de l'objectif. Mais c'est ça qui est super beau, non? C'est de prendre des chemins de traverse et en fait, tu sais pas vraiment où tu vas, mais tu y vas, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Ouais. C'est que, et ça a été comme ça pour moi, mais je suis hyper... je me sens hyper chanceuse, comme ça, tu vois. J'ai l'impression que j'ai rencontré des gens... vraiment extraordinaires, qui m'ont fait... En fait, c'est beaucoup dans les rencontres que tu fais, qui te stimulent, qui te donnent, tu vois, la petite étincelle qui fait que tu t'avances au projet suivant, et ainsi de suite, et ça se dessine, quoi. Et alors, c'est sûr que maintenant, je me dis, bah tiens, il y avait peut-être une ligne quand même dans ce que je fais, mais oui, sans doute un truc par rapport à la justice, par exemple, tu vois, le fait d'être très avide de justice, de par rapport à l'émancipation, à la liberté, à la révolte. Voilà, c'est des thèmes qui me parlent, quoi. Mais je crois qu'il y a aussi dans ce que tu demandes, dans ce que tu poses comme question, la question de la position, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qui m'occupe beaucoup l'esprit pour l'instant, c'est où tu te situes, d'où tu racontes le monde, d'où tu racontes les choses, tu vois. C'est quoi ta position, ton point de vue sur les choses, parce que ça pose la question du biais, et c'est toujours ce qu'on va dire si t'es engagé. Enfin, cette personne n'est pas objective, tu vois. Elle est subjective parce que justement, elle a un parti pris politique ou idéologique ou quoi. Mais en fait, elle l'a pas. Ici, là, en l'occurrence, pas. Tu t'es pas militante, t'as pas une carte OPS. Non, j'ai pas une carte, mais j'ai des billets d'office, j'ai des billets. Ah oui, les billets, oui. Mais qu'est-ce que c'est quoi ces billets? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps qu'on le mette tous sur la table, en fait, tu vois, parce qu'on est dans une pseudo-transparence en plus tout le temps, comme ça. J'ai l'impression qu'il faut que tout le monde soit transparent, ultra transparent sur tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il est. Hein. Je parle des politiques ou des personnages publics, tu vois. Mais en même temps, de nouveau dans une hypocrisie folle, parce qu'en fait, il y a pas de transparence sur quelles sont vraiment tes opinions, tes convictions, d'où tu parles pour raconter les choses. Et maintenant, moi j'aime bien juste le mettre, être très clair par rapport à ça. Mais même quand j'écris un article de presse, en fait, c'était pour ça que je, par exemple, j'avais écrit un article dans Médor sur suite à ce sujet ce que j'ai fait sur les disparitions forcées en Égypte, j'ai fait venir un Égyptien en Belgique pour qu'il fasse sa demande d'asile, etc. C'était la première fois pour moi vraiment de passer la limite comme ça. Il y avait comme une sorte de frontière, même si elle était très ténue, hein, mais entre ce que quand t'es dans l'action ou quand tu vois, t'es juste dans tu comprends le truc. Ouais. Je sais pas si j'exprime bien ça. Et là, je me souviens qu'ils avaient titré l'article "La distance journalistique, c'est fini pour moi", tu vois, parce que voilà, ce moment où je sais pas, mais le choix du titre, mais en tout cas, parce que tu t'es dévoilé. Peut-être. Parce que t'as agi. Voilà, parce que t'as agi. Et en fait, je trouve ça dommage qu'on en soit encore là. Évidemment que si quelqu'un est en train de se faire tirer dessus et que t'as le moyen de le protéger, même si t'es journaliste là de terrain, tu le protèges, en fait. Enfin, je trouve ça fou qu'on soit encore à se poser ce genre de questions-là, en fait. Évidemment que quand il y a l'affaire Maouda, ben, on en avait parlé dans ton émission, mais je choisis d'être du côté des parents qui ont perdu leur fille tuée par un flic de mon pays. Évidemment. Enfin, tu vois que mon biais, il est clair. Et j'ai pas de problème avec ça. Je sais très bien pourquoi. Et je sais que je suis dans le juste. Évidemment, on est du côté des parents qui ont perdu leur fille. Mais c'est pas comme ça que la plupart des médias racontent l'histoire, par exemple, tu vois. Oui, mais la plupart des médias, tu parles de quels médias déjà? Et en fait, là, ce que tu parles, c'est de la subjectivité, en fait. C'est ça que tu parles. De ta propre subjectivité. C'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, c'est de la subjectivité. C'est ma propre subjectivité, oui. Parce que... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire... Toi, tu t'en fous parce que toi, t'es dans un truc où c'est très assumé et c'est très clair vu où. Tu vois, t'es très indépendant dans ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye. Oui, mais j'essaye de voir. Mais j'essaye de voir ce que tu veux dire. Bon, ben pour moi, t'es très libre et très indépendant dans ce que tu fais parce que c'est un média sur lequel tu diffuses qui est pas de masse. Le site, c'est un truc indépendant. Donc tu vois, t'as aucune contrainte là de contenu, quoi, sur le contenu. Mais moi, dans tout ce que je fais, j'essaie quand même de, tu vois, par exemple, pour faire un film, ben j'ai besoin de la RTBF, j'ai besoin d'une subvention. C'est pas tellement ça qui va faire un contrôle sur le contenu, mais parfois la chaîne qui va diffuser, oui. Enfin, tu vois, l'audience que tu veux toucher. Enfin, oui, il y a d'office des moments où t'es obligé. Ces questions-là se posent, en fait. La question de la subjectivité, du biais, du parti pris, du point de vue, elle se pose très, très, très fort, quoi. Et donc, qu'il y a des enjeux financiers? Et il y a des enjeux financiers qui, justement, posent ces questions-là. Oui, c'est les enjeux financiers qui posent ces questions-là. Non, je crois que c'est les enjeux de diffusion. Parce qu'il y a des enjeux financiers dans ce que tu fais aussi. À un moment donné, pour faire, il faut bien quand même, à un moment donné, avoir un tout petit peu de sous. Tu vois, pour s'acheter un nouveau micro, comme ton beau nouveau micro, il faut avoir un tout petit peu de... Oui, mais j'en avais un qui fonctionnait très bien avant. Maintenant, c'est encore plus top, quoi. Mais j'imagine qu'entre toi et moi... Oui, toi, t'as plus des enjeux... financier que moi, quoi. Ça, c'est sûr. Mais d'où... Parce que si t'étais libre financièrement, si t'avais hérité, je sais pas, 10 millions sur ton compte, tu sais que tu peux fonctionner à ton aise, tu peux faire les projets que tu veux. Bon, après, il y a la diffusion. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je crois que, en fait, non, même si j'avais une totale indépendance financière, donc genre, je suis milliardaire, je suis rentière et je fais. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je voulais, au final. C'est juste que j'ai du plus, tu vois, prendre des détours pour écrire des dossiers un peu comme ça plaît, tu vois, faire des choses comme ça. Mais malgré tout, la question de la subjectivité se pose pour la diffusion. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de faire aussi, je crois que c'est ça le truc, c'est que j'ai envie de parler à beaucoup de gens. Je suis mais, pas. Mais il y a Internet aujourd'hui, tu peux diffuser, tu pourrais être. Indépendante aussi, non ? Enfin, manière de parler. Hein. Bah non, en fait, tu vois, moi, j'ai quand même un objectif d'avoir un film sur Netflix un jour. Oui, j'ai envie. Mais... sur Netflix ? Et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est au-delà de... Oui, ça alors, mais en fait, c'est le truc de ne pas snobber le grand public, ne pas snobber la masse, en fait, tu vois ? Parce que, en fait, il y a quand même un truc de... Oui, si mon film est sur la RTBF, je suis pas d'accord avec plein de choses à la RTBF, mais en même temps, si mon film est à la RTBF et qu'il passe à la télé, il a potentiellement la chance d'être vu par des gens qui n'irait jamais sur une plateforme indépendante, tu vois. Mais pas forcément. Et donc, je vais à la rencontre du public en étant diversifiée à cet endroit-là. Et donc, la question de la subjectivité, elle se pose. Enfin, tu vois, de où je suis, elle se pose. Mais si, forcément. Comment tu parles à... Mais il n'y a pas, ma mère ou la copine de ma mère, tu vois, je ne sais pas, elle va aller sur un site... Comment est-ce qu'elle connaît, comment est-ce qu'elle sait d'aller sur micro ouvert, tu vois. J'aimerais que ça soit différent, mais ça ne l'est pas. Non, mais sur Ovio RTB, pour voir ton film James, il y avait 49 vues, enfin je veux dire c'est pas non plus Non, parce que c'est un court-métrage, mais par exemple mon docu petite, il a fait presque 100 000 vues pour un documentaire, c'est énorme, tu vois. Parce que ce que, mais je veux dire le marché c'est énorme, tu vois, c'est 100 000 vues sur la 3, alors que c'est sur la 3 dans un truc. Donc oui, c'est pas grand public, non, évidemment que c'est pas l'émission télé réalité quoi. Non, mais t'aimerais bien. Quand il dit que t'as envie de passer sur Netflix, je suis choquée. Ouais, parce que je trouve justement que ceux qui font des films qui posent des questions, qui mettent mal à l'aise, qui montrent ce qui se cache derrière le rideau, ben d'office, ce sera pas un film sur Netflix parce que c'est dérangeant, parce que tu vois. Parce que ça remet en cause, quoi, tu vois. Et il faut choisir, quoi, quelque part. C'est là qu'on demande aussi à des auteurs, réalisatrices, là, autrices, réalisatrices, puisque t'es en face de moi, t'es une gonzesse, de prendre position aussi, quoi. Ça veut dire quoi que tu cherches aussi, alors, les paillettes et le tu vois, voilà, c'est une vraie question. Non, hein. Je cherche pas les paillettes, je cherche le public. Moi, je trouve ça génial que depuis que Netflix est arrivé, ben, j'ai des potes en Égypte, on regarde les mêmes films, et parfois, il y a sur Netflix des docus d'auteurs, des films qui seraient jamais vus à certains endroits, parce qu'au cinéma et à la télé, il y a que les gros blockbusters américains, et qui du coup voient des films. Donc en fait, si tu veux, c'est que, bien sûr, il y a des trucs qui vont pas avec l'hégémonie de Netflix, mais il y a aussi des trucs à prendre là. Donc moi tout ce que je veux, et si je te choque tant mieux, je m'en fous en fait, tu vois, mais je veux juste aller à la rencontre des gens, peu importe où ils sont et peu importe qui ils sont. Bien sûr, j'accepterai jamais d'avoir de la censure sur le contenu, sur ce que je raconte, tu vois, mais c'est pas la même chose, tu vois. Netflix achète un film que j'ai fait moi par exemple en âme et conscience, ben voilà, il passe sur Netflix, c'est une chance en plus qu'il soit vu. Pourquoi je me priverais de ça? Par idéologie? Mais où? Mais non, mais pas par idéologie. Mais d'où je me priverais? C'est pas par idéologie, on sort de l'idéologie. Non, c'est pas ça, c'est des valeurs à défendre, quoi. Moi, Netflix, déjà, je l'ai pas. Non, c'est payant. Mais ce serait quelle valeur à défendre de pas mettre ton film sur Netflix? Mais je l'ai dit juste avant, je l'ai dit. Ça veut dire que... Moi, j'avais entendu, mais j'ai pas approfondi, que sur Netflix, de moins en moins, t'avais tes droits d'auteur sur Netflix. De plus en plus, tu vois, ils en profitent tellement, ils veulent tellement, justement, ils sont tellement contents que des gens passent leurs films, qu'ils en oublient, leurs droits, tu vois, du moment que, enfin, tu vois, il y a toute une série de choses qui sont horribles avec Netflix, et tout le monde, et même des gens que j'aime bien, qui commencent à tenir ce discours, Netflix, c'est incroyable, quoi. Non, mais ça veut dire que c'est incroyable parce que le capitalisme, il réussit chaque fois à bouffer le cerveau des gens même intéressants, quoi. Mais j'ai pas l'impression que, tu vois, le capitalisme bouffe le cerveau, mais je suis réaliste aussi. Je suis hyper pratique. Moi, je suis pas, tu vois, je vis pas, je suis hyper. Tu vis pas d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Non, je suis pas bohème. Je suis plutôt. On a trouvé un truc pour moi, pour avec un pote qui vient aussi un peu d'un milieu de baraki. On a trouvé un nom pour nous. On est des bobas, des bourgeois baraki. Tu vois. Voilà. Moi, je suis une boba, mais pas bohème, une bourgeois baraki. Ouais, voilà. On va conclure là-dessus. Oui. C'est pas mal comme conclusion. Oui, oui. Le, comment t'as dit Booba. Booba. Non, Booba, c'est un rappeur. Booba, bourgeois baraki. Bah, enchantée, Pauline. Non, allez, conclusion de tout ça. On prend le temps, là, de tout ce qu'on a discuté. Qu'est-ce que t'aurais envie de terminer C'est un peu chiant, cette conversation. Tu te sens à l'aise avec ou, Je trouve pas que c'est chiant et je me rends compte que finalement. Moi, tu peux aussi me renvoyer des trucs en disant mais de quoi, toi, vas-y, hein, tu peux. Hein. Je l'ai fait sur le truc de Netflix. Non, mais j'ai rien à te renvoyer comme ça. Non, je trouve ça plutôt cool. Et je trouve ça plutôt cool d'avoir un espace ouvert, pour le coup, un micro ouvert, où on peut ne pas être d'accord. Soit ça, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup dans le monde aujourd'hui. C'est qu'on s'engueule jamais, putain, mais on a besoin de s'engueuler. C'est bien, tu vois, on peut s'engueuler avec bienveillance, tu vois. Et je suis sûre que nous deux, on pourrait continuer à s'engueuler. Mais, tu vois, avec bienveillance, c'est-à-dire, on n'est pas en train de se dire des méchantes choses, on est en train de... Et en fait, je me suis rendu compte ces dernières années, je me suis adoucie là-dessus, c'est que j'argumente toujours avec passion mes trucs, parce que j'ai ce côté têtu et un peu bourrine. Mais en même temps, j'entends ce que l'autre me dit. Et tous les jours, ma position, elle est revue un petit peu, tu vois, et je me déplace. Et voilà, et je trouve que ça c'est cool, tu vois, j'ai l'impression que je suis une meilleure personne un petit peu grâce aux autres et grâce au fait de pas être d'accord avec les autres. Mais alors si on peut plus s'engueuler, je perds ça, tu vois. Et donc je revendique le droit de m'engueuler. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait tellement du bien, mais pas de s'engueuler, mais d'avoir du vrai débat. Oui. Des vrais gens qui pensent pas la même chose, ouais, et qui donnent des arguments, et du coup toi qui écoutes, ça te fait aussi réfléchir. Oui, c'est vrai ce que tu dis, tellement vrai. À fond. Et ça manque, hein. Oui. Et alors qu'on dit qu'on est dans du débat mais jamais du débat contradictoire, j'entends plus jamais de gens qui sont pas vraiment d'accord discuter. Et en fait, on aurait tellement à gagner de discuter avec les gens qui sont pas d'accord avec nous. Bah, merci Pauline. Merci, on mettra les liens pour. Enfin, je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Je me rends compte qu'on a parlé beaucoup de l'Égypte, sans doute que ça prend une grande place dans ma vie, tu vois. Mais des autres sujets aussi, on peut mettre. Il y a des liens en accès libre. Des films qui ne sont pas sur Netflix et qui sont en accès libre sur l'Internet. Et donc, voilà. Merci beaucoup à toi, hein, pour ta patience aussi, là. Hein.